Tout au long de la semaine, nous vous proposons de replonger dans les archives de la méthode scientifique autour d'un thème commun en ce passage d'une décennie à l'autre, 2020 et après. Et pour commencer cette semaine de Science Prospective, retour sur la procréation de demain et l'utérus artificiel, une émission diffusée le 24 mai 2017. Fin avril dernier, une équipe américaine a réussi à amener à terme 6 agneaux nés prématurément et plongés pendant plusieurs semaines dans l'équivalent d'un utérus artificiel. C'est une première dans le sens où, selon les examens effectués autant sur les agneaux euthanasiés pour études que pour l'agneau laissé en vie, eh bien ils étaient tous viables et ne présentaient a priori pas de malformations critiques. Sommes-nous à l'aube de la grossesse extra-utérine ? Est-ce le début d'une solution pérenne pour assurer la survie des grands prématurés humains ? Bref, l'utérus artificiel est-il en train d'advenir ? Utérus artificiel, allô maman robot, c'est le titre, un peu limite, je vous l'accorde, qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger au cœur de ces grossesses excorporées, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'une des personnes qui les avait prédites, on va dire. Henri Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, biologiste, philosophe, auteur de l'utérus artificiel aux éditions aujourd'hui Point Seuil. Bonjour Olivier Sandra. Bonjour. Vous êtes biologiste, spécialiste du développement de la reproduction animale et directeur de recherche à l'INRA. Et vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors Henri Atlan, hein, vous écriviez dans la préface à ce livre l'utérus artificiel que l'UA, vous vous amusiez de UA en référence évidemment à IA pour intelligence artificielle, UA, l'utérus artificiel, n'est pas pour demain, ce qui accentue son caractère de fiction. Alors au vu des résultats que j'évoquais à l'instant sur la gestation extra-utérine et la fin de gestation en tout cas de ces 6 agneaux, est-ce que cela vous amènerait à commencer à revoir votre position ? Non, absolument pas, dans la mesure où d'ailleurs vous avez parlé d'équivalent d'un utérus artificiel à propos de ces succès par ces chercheurs de Philadelphie. En fait, il ne s'agit absolument pas d'un équivalent d'utérus artificiel, il s'agit d'un équivalent de couveuse plus perfectionnée que celle qui existe actuellement. Mmh. Pour maintenir en vie dans les meilleures conditions possibles, meilleures qu'actuellement aussi, et un peu plus tôt aussi, des grands prématurés. Donc pour le moment, il est abusif pour vous, dans cette condition et pour ce cas particulier, de parler d'utérus artificiel. Oui, absolument. Quelle est votre opinion, Olivier Sandra, sur ce tour de force, qui est tout de même un tour de force de biologie reproductive animale, parce que jusqu'à présent, même dans des cas similaires, c'est-à-dire pour des poches, pour des animaux très prématurés, on avait des résultats qui étaient des résultats très déficients. En général, les animaux mouraient très rapidement ou souffraient de graves malformations. Ben, je dirais qu'effectivement, comme vient de l'indiquer Henri Atlan, on aurait plutôt l'impression que c'est une espèce de couveuse très perfectionnée qui permet de pouvoir rétablir un certain nombre, je dirais, de paramètres physiologiques qui sont déficients actuellement sur les grands prématurés et qu'effectivement on a une meilleure préparation à la vie postnatale telle qu'on la définit chez les mammifères. Alors comment est-ce qu'on pourrait établir cette terminologie pour être d'accord et pour bien parler de deux choses qui sont effectivement deux processus différents entre ce qui relève d'une couveuse perfectionnée et ce qui relèverait d'un utérus artificiel, Henri Atlan ? Ah ben, sur le plan technique, c'est extrêmement différent. C'est-à-dire qu'un véritable utérus artificiel impliquerait qu'on soit capable de reproduire les fonctions du placenta. Mm-hmm. Bon, ben, on en est très loin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est théoriquement impossible. Théoriquement, ça n'est pas impossible, mais pratiquement, c'est extrêmement difficile. Il faudrait reproduire toutes les propriétés des membranes qui constituent le placenta, qui permet de laisser passer les éléments nutritifs dans une direction, de faire passer dans l'autre direction les déchets, et ceci en plus de façon variable suivant les différentes étapes de la gestation. Bon, et de maturation. Alors, on peut imaginer, comme avait fait Madame Liu, elle, dans l'imaginaire, dans son imaginaire d'ailleurs, parce qu'elle n'avait fait que les toutes premières étapes, qui avaient échoué d'ailleurs pour le moment. On pourrait imaginer en effet que si on était capable de faire ça, alors ça pourrait être en plus régulé de façon informatique, si vous voulez, par un programme qui modifierait les paramètres des différentes membranes, comme ça. Bon, on est très, très, très, très, très loin de ça, quoi. C'est tout. C'est pour ça que je croyais me mettre à l'abri dans ce livre publié en 2005, en disant qu'il fallait attendre au moins 50 ou 100 ans. Oui, c'est ce que vous dites dans la préface. Me mettre à l'abri parce que je ne serais pas là pour le voir, donc pour voir la vérité des prédictions. Tout le monde dit qu'il ne s'agissait pas du tout de prédictions dans ce livre. Néanmoins, il est indéniable que pour alors ce qu'on va appeler des couveuses améliorées, c'est ce qui va être le thème de cette émission, et de voir justement comment, quelle est la limite, parce qu'on va voir qu'il y a des travaux qui sont au début du processus et des travaux qui sont sur la fin du processus. À quel moment peut-être peut-on les rejoindre, comme vous évoquiez les travaux d'Hélène Liu dont on va reparler tout à l'heure. Il est indéniable que pour ces couveuses améliorées, et dans la perspective d'améliorer la vie, la survie et la santé des grands, voire des très grands prématurés, on a fait des progrès en biologie animale et bientôt aussi en biologie humaine, certainement, Olivier Sandra. Alors effectivement, sur la partie animale, ce qui vient d'être réussi par l'équipe de Philadelphie montre bien qu'on peut avoir accès à un système qui n'est peut-être pas parfait. Ça dépendra effectivement de ce qu'ils publieront dans le futur. On peut compter que ça ne s'arrête pas là. Par contre, ce qui nous manque, effectivement, c'est ce que disait Henri Atlan tout à l'heure, c'est on a un tout début de gestation ou de grossesse chez la femme qu'on est même capable de prolonger. Le développement embryonnaire a été récemment publié bien au-delà des 7 jours théoriques pour lesquels l'implantation devrait avoir lieu, jusqu'à 13 ou 15 jours. Il nous manque donc de 15 jours jusqu'à l'équivalent d'un dernier tiers de grossesse chez l'humain. Et donc toute cette partie-là, pour l'instant, est un grand sac noir dans lequel personne n'a été capable d'aller apporter des éléments de réponse suffisants pour pouvoir faire le lien entre une fécondation in vitro et un développement in vitro qui serait prolongé, et la prise en charge par un organe qui est quand même unique, puisqu'il est présent que chez les mammifères. Il y a plein de productions de petits sans qu'il y ait besoin d'un utérus. Et là, pour l'instant, on ne sait pas faire. Alors, j'aimerais qu'on refasse un peu de filiation historique, parce que ces travaux-là sont des travaux qui sont finalement très très récents en biologie animale. Et on va voir qu'il y a eu quelques tentatives aussi en biologie humaine. Cette question, en fait, est la continuation d'un long chemin qui commence, en fait, on va dire, dès la fin des années 70, par le premier chaînon de la séparation entre la sexualité et la reproduction, qui sont les premières fécondations in vitro. Voilà. Oui, en fait, c'est plus exactement la séparation entre maternité utérine et maternité ovarienne. Voilà. Plus que séparation entre sexualité et reproduction, parce que cette séparation entre sexualité et reproduction, elle existe depuis toujours. Mais, par contre, en effet, ce qui est nouveau, c'est une reproduction sans sexualité. Bon, alors même ça, à la rigueur, on pourrait dire que, en effet, les fécondations in vitro, insémination artificielle aussi d'ailleurs, c'est pas vraiment. C'est sans sexualité macroscopique, je dirais. C'est-à-dire sans sexualité au niveau des individus. D'accord. Mais il y a encore une sexualité des gamètes, donc voilà, une sexualité microscopique. Voilà, il y a encore une sexualité microscopique. Exactement. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que alors vous évoquiez, Olivier Sandra, la règle des 7 jours. Il faut dire qu'il y a aujourd'hui une règle quasi internationale qui s'est à peu près généralisée partout, même s'il y a des exceptions, qui est aujourd'hui la règle du 14e jour. C'est-à-dire que aujourd'hui, on interdit à peu près partout toute forme de gestation hors du corps humain après le 14e jour. Pourquoi cette règle des 14 jours? Vous savez à peu près quand est-ce qu'elle a été établie, Henri Atlan? Alors, à mon avis, la première raison, c'est que ça n'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. C'est-à-dire actuellement, les produits de fécondation in vitro qu'on appelle embryons, et là c'est un sujet de discussion, on n'est pas sûr qu'on doive les appeler véritablement embryons. Les anglo-saxons par exemple les appellent pré-embryons. C'est pré-embryons avant 14 jours. largement. En fait, là, l'embryon, l'embryon se définit par plusieurs stades qui seraient un peu long d'expliquer ici. Oui, mais effectivement, sur la partie, je vous en prie. Alors maintenant, concrètement, en effet, c'est jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on n'arrivait pas à maintenir en vie ces produits de fécondation in vitro. Donc dans un tube à essai ou dans une boîte, si vous voulez, plus que 5 jours. Puis bon, si ça s'allonge maintenant de quelques jours, ben très bien. Mais la question, c'est quoi en faire après. Et tant qu'il n'y a pas d'implantation avec succès dans un utérus et de nidification, parce qu'on va voir que c'est l'un des problèmes majeurs. Absolument, bien sûr. Et bien à ce moment-là, il n'est pas certain qu'on doive parler d'embryon. Olivier Sandra. Et effectivement, une des questions qui va se poser, c'est que si la théorie, enfin, ou disons la pratique, qui est pas forcément accessible en humain, il est difficile d'aller toucher un produit de fécondation in vivo sans altérer ou un risque d'altérer la réussite de la grossesse. Il s'avère que si on considère que l'implantation a lieu entre 6 et 7 jours et vous poussez jusqu'à 13 jours in vitro, vous pouvez escompter qu'il commence à y avoir une séparation sur les bases épigénétiques de cette qualité de ce pré-embryon, de cet embryon vitro par rapport au vivo. Et au-delà de 7 jours, vous êtes clairement dans un processus où théoriquement, tout ce qui est sécrétion utérine sont nécessaires pour pouvoir promouvoir la croissance de l'embryon, sa différenciation en deux parties qui sont le futur fœtus et dans un premier temps le placenta. Et le placenta de l'autre côté, bien sûr. Et à l'autre bout de la chaîne, puisque c'est bien, on voit bien qu'il y a ce sac noir, comme vous l'avez appelé, ce sont vos propres mots, entre le début, l'apparition de l'embryon, sa nidification, et puis de l'autre côté, la fin de la grossesse. Aujourd'hui, quelle est la date à partir de laquelle, la durée à partir de laquelle on sait prendre en charge à peu près correctement, avec de bonnes chances de survie, des grands, voire des très grands prématurés, Henri Atlan? On estime que c'est à peu près la 24e semaine, mais les risques d'accidents cérébraux irréversibles à l'origine d'un handicap terrible qui pose après des problèmes d'euthanasie, etc., ces risques-là sont d'autant plus grands que le grand prématuré est prématuré, justement. Et plus on se rapproche de la fin de la gestation normale, et moins les risques sont importants. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les chances de survie pour un grand prématuré à 24 semaines sont... Non, elles existent. Et elles sont, et d'ailleurs, c'est la règle. Enfin, dans les services spécialisés, les pédopsychiatres, enfin, les psychiatres, qui s'occupent de ça... essayent de ressusciter, si vous voulez, ou maintiennent en vie, essayent de maintenir en vie des très grands prématurés à partir de 24 semaines. Depuis combien de temps en biologie animale on essaye, on fait ces tests, on va en reparler un peu, on va refaire un peu la chronologie, la généalogie de ces tentatives de précisément de sortir, de mettre à terme, d'amener à terme des animaux, justement des animaux qui sont des grands prématurés pour x ou y raisons, soit pour des raisons d'agronomie, soit pour des raisons plus biomédicales. C'était malheureusement ma collègue Pascale Chavatte n'est pas là, mais elle vient de faire un article il y a quelques années sur effectivement l'histoire de l'ectogénèse, c'est-à-dire cette gestation qui est en dehors du corps de la femme. C'est ce qu'on appelle l'ectogénèse. Et donc je pense que les premières manips un peu sensées et un petit peu structurées autour de cette question datent des années 60, avec effectivement quelques réussites dans les années 90, sur des aspects où effectivement à partir de chevreaux, certains scientifiques avaient réussi, alors je crois que c'était au Japon, avaient réussi à effectivement prolonger ou à pouvoir se rapprocher d'un système vivo qui permettrait Henri Atlan disait une survie, mais c'est vrai que c'est une forme de survie parce qu'effectivement on n'est pas dans la vie, l'individu n'est pas capable de se subvenir à lui-même. Et donc on va dire que ça fait une cinquantaine d'années qu'on se pose vraiment les questions, mais plus on avance, plus les questions, je dirais, philosophiques, éthiques, se posent. Et là, ça fera partie du reste de la émission. Et ça va faire partie du reste, effectivement, de nos discussions au cours de cette émission. Un mot tout de même plus généralement sur ce fantasme de l'ectogénèse humaine, Henri Atlan. Aujourd'hui, vous savez si il y a des recherches qui sont en cours, qui sont des recherches sérieuses, financées sur vraiment la tentative de la maturation totale d'un embryon, d'un fœtus, d'un individu absolument 100% ex-corporé? À ma connaissance, je ne crois pas. Mais enfin, je dois dire honnêtement que depuis l'apparition de ce livre, je n'ai pas suivi le détail. Mais je ne crois pas, par exemple, que celle qui était pionnière dans ce domaine-là, qui était une chercheuse de New York, Helen Liu, je ne crois pas du tout, enfin, à moins qu'elle le fasse en cachette, mais je ne crois pas qu'elle ait continué à le faire, tout simplement parce que ça avait déclenché des réactions de la communauté scientifique et extra-scientifique, à mon avis, tout à fait exagérées, parce que, bon, à nouveau, ça avait été amplifié, étant donné qu'elle avait fait des travaux extrêmement préliminaires, justement sur les mécanismes de l'anidation, en essayant, en effet, de fabriquer une petite cavité dans laquelle un produit de fécondation in vitro pourrait, en effet, se maintenir en vie. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h15 sur France Culture, vous écoutez La méthode scientifique, nous parlons de l'ectogénèse et de, à la fois de l'utérus artificiel, mais aussi des couveuses perfectionnées, et de voir le lien qu'il peut y avoir entre ces deux techniques, certaines pour aider et pour venir en aide aux grands prématurés, d'autres pour tenter, parfois, qui sait, comme des sortes de prométhées modernes, de créer de la vie ex nihilo, en tout cas ex corporé. On va tenter de remonter un peu le fil historique justement des recherches qui conduisent à ces ectogénèses que l'on vient d'évoquer. Okay, parce que le chemin, on l'a dit, a été long, semé d'embûches. L'une des premières pierres dans ce jardin, qui est une pierre en tout cas importante, et on va voir qui va suivre un peu tout le fil des recherches, c'est à la fin des années 90, le premier liquide amniotique artificiel de Thomas Schaffer, Henriette Lang. Oui, en effet, bon, ça c'était ce qui était précurseur, mais qui n'a pas réussi par rapport aux réussites actuelles publiées par les chercheurs de Philadelphie, en effet. Par rapport aux 6 agneaux que nous avons tués au début de l'émission. Et il y avait aussi en même temps à peu près des expériences sur des chèvres par des chercheurs japonais. Tout à fait. Qui aussi avaient essayé de mettre au point un tel système, mais qui n'avait pas marché. Donc, alors, en effet, donc, la performance de ces chercheurs de Philadelphie est évidemment remarquable, dans la mesure où, en effet, ils ont réussi à maintenir en vie de façon à peu près normale jusqu'à la fin des agneaux. Bon. Quels sont les défis que pose justement la création et le maintien d'un liquide amniotique artificiel, Olivier Sandra ? Parce qu'un liquide amniotique, on sait que ça contient beaucoup de choses, que ça baigne à l'intérieur, à l'extérieur, les fœtus, que c'est vraiment, enfin voilà, que c'est le point d'ancrage liquide de toute forme de vie qui se développe. Quels en sont les enjeux physiologiques et biologiques ? Alors, j'aurais plus de mal à vous répondre sur les enjeux physiologiques. Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que le liquide amniotique n'est pas présent pendant toute la gestation et qu'effectivement, effectivement, il y a tout un passage, je dirais, des étapes précoces de gestation de la grossesse qui se font sans liquide amniotique. Pour qu'il y ait liquide amniotique, il faut qu'il y ait différenciation de l'amnios. Et donc, à ce moment-là, vous êtes déjà sur un stade assez avancé du développement embryonnaire ou fœtoplacentaire. Donc, au-delà du liquide amniotique qui, forcément, demanderait à être réanalysé et remis au fur et à mesure de la croissance du fœtus, il y a toute une étape où l'embryon va commencer à s'implanter et dans lequel il n'y a pas d'amnios et pas de liquide amniotique. Et donc, de toute façon, le liquide amniotique par lui-même ne résoudrait pas l'intégralité des questions qui se posent sur la gestation extra-utérine, nous disons extra-individu. En revanche, ça va se poser beaucoup plus tard, effectivement, dans le développement, et notamment pour la question des grands prématurés. On en rediscutera tout à l'heure. Vous le disiez, Henri Atlan, à la même époque, en 97, des premiers tests sont menés donc sur des fœtus de chèvres au Japon grâce à ce liquide amniotique de synthèse. Des chèvres qui sont là plutôt a posteriori, qui sont des chèvres qui sont, je crois, si ma mémoire est bonne, vous allez me rafraîchir la mémoire, je pense Olivier Sandra, qui sont des chèvres sorties, qui ont grandi in utero, qui sont sorties et qui sont remis dans des poches de liquide amniotique. J'ai la même mémoire que vous. C'est comme les agneaux, de toute façon. C'est voilà. Comme les agneaux. Ils sont forcément sortis d'une gestation normale. Oui, pour remettre un peu vos auditeurs dans le feu de l'action, c'est que ces agneaux qui sont sortis sont entre une centaine de jours à peu près, et donc sur une gestation qui, chez la brebis, dure entre 140 et 150 jours. Donc on est dans l'équivalent de ce qu'on appelle le dernier tiers de la gestation. C'est ça, de ces fameuses 24 semaines qui correspondraient aux 24 semaines de la... Comment ça se passe à ce moment-là, puisque ce sont les premiers tests à ce moment-là, donc on va pas dire d'utérus artificiel, mais de couveuses finales améliorées. Comment ça se passe? Comment est-ce que les fœtus sont reliés avec quel type de cordon ombilical, comment sont transmis les fluides, comment est-ce qu'ils sont extériorisés, comment ça s'est déroulé ce type d'expérience-là? Alors je pense que ce serait un peu compliqué d'expliquer sans aucun schéma la façon dont ces scientifiques y sont pris. On va l'essayer et puis on va mettre quelques schémas sur le fil Twitter de l'émission, ce qui va permettre de visualiser un peu mieux les propos que nous avons. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les questions qui sont posées, c'était de savoir effectivement sur quelle partie de la circulation sanguine du fœtus, ils allaient pouvoir relier leurs appareils. Et ils ont fait plusieurs tests. Il s'est avéré qu'un des tests s'avérait beaucoup plus encourageant que les autres. Mm-hmm. Et qu'effectivement, je pense que c'était une bonne idée de pouvoir essayer les différents vaisseaux sanguins efférents, c'est-à-dire sortants du fœtus, pour pouvoir, et afférents dans le sens où la machine renvoie un certain nombre de liquide vers le fœtus, pour pouvoir améliorer effectivement cette gestation dans une couveuse perfectionnée. Mais le grand succès apparemment, c'est ce qui était un échec pour Schaeffer dont on parlait tout à l'heure. Le créateur du liquide amniotique artificiel. C'est ça, oui. Enfin, ce qu'il voulait faire mais qu'il n'avait pas réussi, que apparemment les chercheurs actuels ont réussi, c'est de trouver le moyen de composer ce liquide artificiel de façon telle que la respiration sans poumon puisse fonctionner, parce que c'est ça qui se passe justement. Ou avec des embryons, pulmonaires, c'est-à-dire que avec des poumons non développés complètement. Eh bien, c'est ça, oui. Mais donc, ça veut dire sans poumon fonctionner. Oui. Or, c'est ça qui se passe justement dans l'utérus maternel, où c'est la respiration est en milieu liquide, en quelque sorte, si vous voulez, un petit peu en poussant la comparaison un peu comme des poissons. C'est-à-dire que. Des poissons perfectionnés, effectivement, ça, c'est-à-dire des vertébrés. Il ne respire pas en étant à l'air, mais il respire en extrayant l'oxygène qui se trouve dans le liquide, quoi. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça que M. Schaeffer avait essayé autrefois sans succès. Et apparemment, c'est ça maintenant qui est réussi avec ces agneaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces premiers tests en 97 avec les chèvres? Les chèvres sont arrivées à terme, mais sont mortes assez rapidement. Vous savez ce qui leur est arrivé, ce qui a mal fonctionné? Non, je ne sais pas exactement les détails. Je ne sais pas d'ailleurs même si les auteurs le savent eux-mêmes. Mais en tout cas, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Ce qu'il faut peut-être ajouter, effectivement, c'est que la gestation, même si on a toujours la sensation d'un produit fini qui se paraît assez simple, la gestation est quand même un phénomène très complexe avec des successions de processus et une évolution qui fait qu'il y a une adaptation, je dirais, cinétique, une dynamique donc, de la mère vis-à-vis de la présence de ce fœtus qui est continue. Et donc, effectivement, l'une des grandes difficultés, c'est sur un système qui serait relativement fixe, de pouvoir suivre l'évolution et de fournir de la part du système artificiel tous les éléments qui sont nécessaires à l'ensemble de la maturation, de tous les organes qui ne le sont pas au moment où on le retire du corps maternel, et en particulier les poumons et le système nerveux central, le cerveau. On vient de mettre précisément là sur Twitter un schéma qui explique bien comment, avec via une pompe intérieure et extérieure, on arrive à relier les fœtus à l'intérieur de l'intérieur de ce qu'on appelle des biosacs, avoir un terme plus précis, puisqu'il ne s'agit effectivement pas tout à fait d'utérus artificiel. Les chercheurs japonais ont pensé d'ailleurs qu'une partie des problèmes pouvait être liée au mouvement des fœtus à l'intérieur des sacs. Ils ont tenté autre chose, ils ont tenté d'administrer des sédatifs aux fœtus, mais ça n'a pas très très bien fonctionné non plus, Olivier Sandra. Bah effectivement, je pense que là-dessus, je n'ai pas grand-chose d'autre à amener que les informations que vous venez de fournir, et effectivement, c'est un des problèmes, mais ça n'a pas l'air d'avoir été celui pour les chercheurs de Philadelphie. Non, pour les chercheurs de Philadelphie, non. On va revenir, il y a un autre problème qui a été certainement de tenter de suppléer, et vous le disiez par rapport au lien sanguin, de suppléer la fonction cardiaque du fœtus, qui était a priori une mauvaise idée, c'est-à-dire de forcer la pompe en fait, en quelque sorte. Oui, effectivement, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces chercheurs se sont quand même beaucoup penchés sur la question de savoir sur quel vaisseau du fœtus ils allaient pouvoir brancher leurs appareils, et que l'une des solutions était vraiment beaucoup plus pertinente que les autres, à savoir qu'en plus elle entraîne a priori, mais au vu de ce qui a été publié, c'est encore un peu court, il n'y a a priori pas de conséquences postnatales à tous les événements prénataux, si on peut imaginer qu'il y a une naissance à partir de ce biosac. Les autres travaux vraiment très très importants, c'est ceux que vous évoquiez, parce que là ce sont des travaux en amont, ce sont les travaux de Hélène Liu en 2002. Hélène Liu qui a cherché à travailler sur l'implantation de l'embryon, donc l'implantation dans un sac artificiel. Et cette fois, ses premiers travaux, elle les a réalisés avec des embryons humains pendant une période de 6 jours, Henri Atlan. Oui, mais c'était des embryons humains non viables. Oui. C'était des embryons humains dont on savait au départ que, de toutes les façons, ils n'avaient aucune chance de se développer normalement. Et alors, on lui a reproché justement d'avoir fait une expérimentation humaine qui n'était pas éthique. Et ce reproche n'était absolument pas justifié, parce que c'est des embryons triploïdes, comme on dit, enfin, qui avaient plusieurs jeux de chromosomes. Donc, ils ne pouvaient pas survivre. Mais avec ça, elle a essayé de mettre au point une petite cavité. Ce n'était même pas un sac, d'ailleurs. Ouais. C'était une petite cavité en plastique, mais qu'elle a tapissée à l'intérieur de tissus qui reproduisaient l'endomètre, enfin la paroi interne d'un utérus. Et avec ça, elle a réussi à faire un commencement de nidification, etc. Après, elle a repris la même chose avec des embryons de souris, cette fois-ci. Et là, eh bien, elle les a maintenus pendant à peu près la moitié de la gestation. Voilà. Mais là aussi, on va voir que ça n'a pas très bien marché. Ah ben non, mais bien sûr que non. Mais d'ailleurs, elle savait bien que ça n'avait aucune chance de marcher. Mais elle voulait étudier les mécanismes, justement, de l'anidation et les mécanismes aussi de la fabrication du placenta, de telle sorte d'entrer dans la phase suivante. Quoi. Ce que vous évoquez là, effectivement, Nicolas, est un des grands problèmes de la gestation, qui est la partie de l'implantation, pour lequel, chez l'humain, on n'a théoriquement pas accès à in vivo, pour des raisons éthiques évidentes, et qu'effectivement, soit on est obligé d'aborder par des modèles vitraux dont on sait qu'ils sont tous imparfaits dans la mesure où on n'a jamais réussi à vraiment réaliser une implantation telle qu'elle pourrait se définir in vivo par des méthodes non invasives. On peut arriver à suivre l'évolution du bébé. Le deuxième point, c'est au-delà des modèles in vitro, vous avez un tas de modèles animaux qui sont tous plus ou moins, je dirais, compétitifs dans le sens de l'apport des informations et des connaissances, mais dont aucun n'est le modèle humain. Il y a un auditeur qui se pose une question, qui est une question qu'on va aborder certainement dans la troisième partie de cette émission, mais qui en même temps est une question finalement de bon sens qui se pose assez. Il nous demande finalement quelles sont les motivations qui sont à l'origine de ces recherches, puisque ce sont pas des motivations démographiques. Non, mais en termes agronomiques, par exemple, quelles sont les motivations réelles de ces recherches, tant les travaux d'Hélène Liu sur la nidation et l'implantation des embryons à l'intérieur d'une cuve artificielle, que la volonté de pouvoir suppléer à la fin de la grossesse sur des périodes qui dépassent celles de la survie naturelle des grands prématurés. Alors ça dépend si vous parlez du début de la gestation, de la fécondation, si vous parlez de la sortie. On va parler des deux. Non, les motivations ne sont pas les mêmes. Voilà, donc je vais vous dire pour la partie agronomique. Je vous dirais que l'une des motivations, c'est de pouvoir produire des embryons dont on maîtrise à peu près la qualité, c'est-à-dire non pas la qualité embryonnaire, mais ce que le futur génome va pouvoir exprimer chez l'animal adulte. C'est-à-dire, en gros, on essaie d'avoir les meilleures performances zootechniques pour l'espèce indiquée, voire même pour la race au sein de l'espèce. Il est évident que pouvoir faire de la fécondation in vitro, permet effectivement de prélever un certain nombre, on peut le faire, c'est déjà fait, un certain nombre de cellules de cet embryon, sans que cela puisse impacter son développement, ni même chez l'adulte une fois qu'il est sorti, et que là, vous avez accès à une information qui est beaucoup plus rapide qu'un système de sélection génétique tel qu'il était développé jusqu'à maintenant. Donc c'est de l'optimisation, c'est de l'optimisation. Vous avez raison, génétique. C'est une forme d'optimisation, je dirais, de la sélection génétique qui permet de raccourcir le pas de temps, non pas de la gestation en elle-même, mais le pas de temps de la sélection, puisqu'on sait beaucoup plus tôt ce que va potentiellement donner l'adulte qui se résultera de cette fécondation. Ça c'est pour la partie agronomique, pour l'autre, pour la partie humaine, quels sont les objectifs, j'ai presque envie de dire ontologiques, de ces recherches sur l'ectogénèse. Alors, dans le cas de la couveuse perfectionnée, eh bien, les motivations sont les mêmes que celles qu'on utilise actuellement, que celles qui poussent à utiliser actuellement les couveuses déjà existantes, c'est-à-dire maintenir en vie des grands prématurés avec le minimum et si possible aucun handicap neurologique. Et peut-être un peu plus tôt aussi dans l'évolution d'une gestation qui a déjà commencé. Bon, autrement dit, c'est un objectif médical de survie qui peut être discuté d'ailleurs. On peut se poser la question de dans quelle mesure il faut faire ça absolument, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On va y entrer tout à l'heure. Par contre, le tout début... Comptez sur moi. Alors par contre, la motivation de Hélène Liu, par exemple, ou de ceux qui sont beaucoup plus rares, il faut dire, qui se sont lancés dans ce genre de recherche pour fabriquer une cavité qui va remplacer un utérus depuis le début. Alors, la motivation... Comme toujours dans les techniques de procréation médicale assistée, la motivation au début, elle est médicale. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, il y a des situations pathologiques dans lesquelles, eh bien, une femme ne peut pas porter un enfant, soit qu'elle n'a plus d'utérus pour des raisons chirurgicales, soit que son utérus est anormal, enfin, des malformations, etc. Donc, elle ne peut pas porter un enfant. Alors, à ce moment-là, quoi faire à la place? Bon, alors, on connaît déjà toutes les solutions qui sont disponibles, si j'ose dire. Mmh. L'adoption, d'abord, et puis la gestation pour autrui, maintenant. Et donc, l'idée... Gestation pour autrui qui est sujette à de nombreuses critiques et de nombreuses réserves. D'accord, mais qui est déjà effectuée dans un nombre assez important de pays. Voire même la greffe d'utérus, qui fait partie de, ces approches un peu, je dirais, peut-être dérangeantes parfois, mais qui sont aussi un espèce de... processus permettant de suppléer la déficience de la fonction utérine chez une femme. Et qui est, bien justement, c'est qui ça. C'est-à-dire qui est rendu possible en France depuis très peu de temps, depuis un an et demi, deux ans, je crois. La greffe d'utérus. La greffe d'utérus, c'est 2014. Alors là, on peut discuter d'ailleurs des avantages et inconvénients. Je voudrais juste peut-être compléter, Nicolas, sur ce que disait Henri Atlan. 2015, l'autorisation des greffes d'utérus en France, pardon. Excusez-moi. Le fait aussi que les auditeurs pourraient se demander pourquoi l'agneau. Et il faudrait quand même savoir ce modèle-là est quand même utilisé, et je suis entièrement d'accord avec Henri sur le fait que là, on est sur un processus médical et qu'on essaye d'approcher une fonction qui serait effectivement difficile à mener chez l'humain pour des tas de raisons, et que le modèle animal dans ce cas-là, parce que le développement de l'agneau suit à peu près le développement humain, à quelques exceptions près, et vous c'était noté dans le papier, en particulier sur la maturation pulmonaire, on sait qu'il y a des différences par rapport au fœtus humain, mais ça permet quand même d'approcher une partie du développement. Un agneau à la naissance fait entre 2,5 kg et 3,5 kg, 4 kg. Et donc on est à peu près sur les mêmes phases que ce qu'on observe pour le fœtus humain. Au départ, les motivations sont médicales toujours. Mais très très vite, comme dans le cas des techniques actuelles de procréation médicalement assistée, eh bien, les applications de ces techniques débordent des indications purement médicales. Alors, c'est ce que certains appellent des indications de convenance. Mais c'est très important. Là aussi, ce serait pareil. C'est-à-dire, si jamais cette technique était disponible, eh bien, on imagine que ça se ferait... Le même processus serait observé. C'est-à-dire qu'on aurait au début des indications médicales, et puis après, petit à petit, ça évoluerait vers d'autres indications. Qu'on peut d'ailleurs discuter et qu'on pourrait éventuellement justifier. Mais encore faut-il que nous y arrivions. Or, comme vous l'avez soulevé, nous en sommes encore relativement loin. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Thank you. 16h35, vous écoutez La Méthode Scientifique, c'était Cass McCombe avec Pregnant Pause pour cette émission qui est consacrée donc à l'utérus artificiel, mais pas seulement que l'utérus artificiel, on parle aussi plus généralement d'ectogénèse, c'est-à-dire la genèse, la grossesse excorporé hors du corps. On en parle avec Henriette Lang, qui est médecin biologiste, philosophe, auteur de l'utérus artificiel aux éditions Point Seuil, avec Olivier Sandra, biologiste, spécialiste du développement de la reproduction animale et directeur de recherche à l'INRA, ce qui nous amène évidemment, même si on a déjà commencé à en parler un petit peu, à la question de l'application de ces utérus artificiels, ou en tout cas de ces poches, de ces, comment, de ces bagues, de ces biobags, de ces biosacs, je perdais le mot, pour l'être humain et de l'ensemble des implications bien thérapeutiques, éthiques et philosophiques qui s'en suivent. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes rendu à l'hôpital Robert Debré pour comprendre comment ces utérus artificiels ou ces biosacs nouvelle génération pourraient être appliqués concrètement à l'être humain, notamment évidemment pour le cas des grands prématurés. Oui, parce que cette prouesse technique donne l'espoir pour sauver les grands prématurés, ceux qui ont moins de 26 semaines, on parle là, et qui ne peuvent pas survivre avec les moyens actuels, comme la couveuse. Et pour le docteur Olivier Baude, chef de service de néonatalogie à Robert Debré, l'idée est belle, mais le plus dur reste encore à faire, car l'adaptation à l'humain nécessite de savoir reproduire l'environnement intra-utérin dans tous ses aspects pour garantir le bon développement du fœtus. C'est vrai que la grande prématurité garde toujours des limites, notamment en termes de faisabilité technique de la réanimation, et des limites également physiologiques en termes de maturation des organes, dont le poumon, mais pas uniquement le poumon, également le cerveau ou d'autres organes vitaux. Pour accueillir les grands prématurés, la couveuse ne suffit pas nécessairement pour pouvoir assurer la survie d'un fœtus à 23 à 26 semaines. Non, en fait, ces enfants-là ont besoin souvent d'un support ventilatoire. Ils ont besoin également d'une ligne centrale leur permettant d'avoir tous les macronutriments et les micronutriments qui assurent leur croissance. Et puis, ils ont besoin d'un environnement favorable afin de favoriser et de promouvoir la maturation la plus physiologique possible de leur organe, même si on est dans des conditions extra-utérines. Et donc, ce dispositif est intéressant parce que il pourrait permettre de faire de la pharmacocinétique de certaines molécules ou de certains médicaments avant la naissance, de mieux comprendre le passage dans liquide amniotique et l'impact fœtal de certaines thérapeutiques que l'on donne à la maman, et donc de tester certaines molécules candidates pour soit faire maturer un organe spécifique, soit le protéger de l'agression d'une naissance prématurée. Donc ça, typiquement, c'est des travaux qu'on pourra mettre en application quand l'utérus artificiel sera vraiment adapté à l'homme. Oui, c'est ça. La première étape, c'est d'abord de savoir si il y a une innocuité de l'utilisation de ce biobag chez l'homme, donc une translation possible avec un bénéfice. Il est hors de question, évidemment, d'utiliser ce biobag chez des enfants que l'on peut réanimer actuellement, avec un risque de mortalité et de complications non négligeables. Mais il faut évidemment que ce biobag aborde une plus-value par rapport à ses inconvénients liés à la grande prématurité. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape sera, dans le cadre des enfants qui bénéficient ou des fœtus qui bénéficieront de ce système-là, de voir si on peut faire des essais cliniques sur certaines molécules qu'initialement on pourrait imaginer donner à la maman, mais que là on pourra donner directement dans le liquide, le pseudo-liquide amniotique que l'on administre dans le biobag. Comment on pourrait envisager de le transposer sur l'humain ? Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif ne peut pas s'appliquer pour extraire plus précocement des enfants que l'on ferait maturer dans ces biosacs pour, disons, monitorer la maturation, notamment pulmonaire. Il ne peut s'agir en aucun cas d'un système qui augmente l'incidence ou le nombre d'enfants que l'on va extraire précocement. Par contre, ça peut concerner des enfants que l'on est obligé d'extraire pour des raisons, par exemple, de pathologie maternelle ou pour des raisons d'extraction pour détresse fœtale. C'est-à-dire que parfois, on est obligé d'induire l'accouchement par césarienne parce que la maman présente une pathologie qui met en jeu son pronostic vital ou parce que le fœtus risque de décéder in utero si on ne l'extrait pas. Et ceci peut survenir à des âges très borderline en termes de viabilité. Et donc, ce système-là permettrait effectivement d'avoir une situation intermédiaire qui va faire maturer le fœtus, qu'on a été obligé d'extraire pour ces raisons-là, jusqu'à un certain terme qui serait un terme dont associé à une mortalité moindre et surtout une meilleure maturation des organes. C'est dans ce cadre-là que le système présenté dans ce papier de Nature Communication serait utile. Quels seraient les manquements biochimiques? On a évoqué les nutriments, les hormones qui sont nécessaires à la croissance du fœtus, qu'on ne pourrait pas simuler dans ce dispositif. Le liquide qui est simulé pour représenter le liquide amniotique dans ce biobag est extrêmement simplifié. Hein. C'est un liquide qui est un liquide essentiellement basé à partir d'ions, mais effectivement, toutes les macromolécules ne sont pas présentes dans ce liquide. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'on sait que ce liquide est ingurgité par le fœtus. Le fœtus va donc digérer ce liquide en captant certaines de ces molécules clés, de certaines de ces hormones qui vont participer évidemment à sa maturation et à sa croissance. Donc ce qu'il y a dans le biobag, dans cet article, est quelque chose d'extrêmement simpliste par rapport à ce qu'il existe dans le liquide amniotique normal. Et donc, je pense que le challenge maintenant va être d'adapter tout cela à l'homme et de faire des premiers essais sur l'homme dans des situations de sécurité maximale. Voilà, reportage à l'hôpital Robert Debré à Paris. Vous voyez, Henri Atlan, hein, des essais sur l'homme dans peu de temps, dans des états de sécurité maximale. Ça veut dire qu'on approche doucement, en tout cas, de ces couveuses perfectionnées qui pourraient être appliquées aux très grands prématurés. Oui, en effet, on peut se poser la question des indications. Quoi. Est-ce que vraiment c'est indiqué, en plus, dans le cadre d'une expérimentation humaine par-dessus le marché. Donc ça voudrait dire que là, les essais, en admettant même que ça marche sur l'animal et que la technique puisse être transposée à l'homme, ce qui n'est pas encore le cas, en admettant même qu'on y arrive, ça voudrait dire donc qu'il y aurait les premiers essais sur l'homme impliqueraient une expérimentation humaine qui pose quand même pour le moins un certain nombre de problèmes éthiques compte tenu de ce qu'on attend de cette technique. C'est la même chose d'ailleurs, à mon avis, pour ce qui concerne les greffes d'utérus. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, si vous voulez, de s'embarquer dans des techniques de ce genre? Pourquoi? Alors, en effet, on vous dit pour maintenir en vie des grands prématurés. Très bien, mais est-ce que, vous savez... Des greffes d'utérus pour pouvoir rendre à une femme la possibilité de porter un enfant alors qu'elle souffre d'une malformation. Non, là, vous faites allusion à nouveau à la première partie, dont on ne parle même pas, là. Avec les couveuses, on n'en parle pas du tout. Il ne s'agit absolument pas de ça. Donc, dans le cas des grands prématurés, ce sont, en effet, des anomalies des empêchements, si vous voulez, d'amener à terme une grossesse, qu'on essaye de pallier, mais justement, jusqu'à quel point? Vous savez, autrefois, on avait imaginé au Comité national d'éthique une expression qui a déclenché quelques controverses, celle de l'acharnement procréatique. Vous savez, de la même façon qu'il y a un acharnement thérapeutique, on peut considérer aussi qu'il existe certaines formes d'acharnement procréatique, c'est-à-dire à tout prix. Bon, alors, pour ce qui concerne la première partie, par contre, alors là, je voudrais lever un petit malentendu même. Le livre dont vous parlez, je suis bien content que vous en parliez, mais ceci dit, ce livre-là ne prétendait pas être un livre de... L'utérus artificiel que vous avez écrit. Ne prétendait pas prédire, en effet, l'évolution des techniques de reproduction. Non, bien sûr, et puis vous l'expliquez très bien dès le début du livre, il n'y a aucun doute là-dessus quand on le lit. Il n'y a aucun doute, il y a eu beaucoup de doutes, précisément. précisément dans les réactions qu'il a déclenchées. Et par contre, l'objectif, alors là peut-être qui a été pas aussi bien vu, consistait tout simplement à montrer que la plupart des problèmes qui se poseraient si ça existait, eh bien ils se posent déjà aujourd'hui avec les techniques déjà existantes de procréation médicalement assistée. C'est-à-dire tous les problèmes entre séparation maternité utérine, maternité ovarienne, ça existe déjà. Tous les problèmes qui concernent l'égalité ou la symétrie, si vous voulez, de la maternité avec la paternité, ça existe déjà, etc. etc. Voilà. Olivier Sandra, vous aviez une réaction au reportage qu'on vient d'entendre? Non, j'avais pas de réaction sur le reportage lui-même, mais par contre j'avais une réaction sur effectivement cette forme. L'un des grands enjeux, c'est quand même d'arriver à produire un individu qui soit viable en bonne santé. Mmh. Et effectivement, la grande difficulté sur les grands prématurés, c'est effectivement d'avoir des individus dont on peut assurer dans un premier temps la viabilité, mais dont la bonne santé à court terme et à long terme est un véritable enjeu. Et c'est ce qu'on appelle la programmation anténatale de la santé postnatale, ce qu'on appelle la DOAD en anglais, qui est une des thématiques de notre laboratoire, et qui pose effectivement la question de savoir, par un certain nombre de modifications qu'on dirait épigénétiques, c'est-à-dire qui tournent autour du génome, mais qui ne touchent pas l'ADN lui-même, du fait que vous ayez un individu qui, dans un premier temps, pourrait aller bien, mais sur une durée de vie humaine qu'on estime à 85 ans maintenant, il pourrait y avoir l'apparition d'un certain nombre de pathologies dans des temps très avancés de la vie de l'individu qui ne seraient pas pour l'instant anticipables avant la naissance et qui pourtant sont des vraies conséquences en termes de santé humaine. Mais on voit bien, on entend bien dans ces biosacs que l'un des enjeux qui pourrait tout de même changer beaucoup de choses pour les grands, voire les très grands prématurés, c'est ce qu'on appelle la ventilation liquide. Hein, c'est le problème quand les poumons, et on l'évoquait tout à l'heure, quand les poumons sont encore peu mal formés et que d'un seul coup on les expose à l'air libre dans des couveuses, ça peut créer des détresses respiratoires qui conduisent parfois à la mort du nourrisson. On voit bien tout de même l'espoir thérapeutique que peuvent porter ces biosacs justement pour aider, pour permettre à ces très grands prématurés d'aller jusqu'à leur terme, Henri Atlan. Eh bien, peut-être. Enfin, ça reste à démontrer, et je crois qu'on en est encore loin. Vous pensez qu'on en est encore loin? Olivier Sandra, pareil. Oui, je pense qu'effectivement, on en est très loin pour toutes les raisons que nous avons évoquées depuis le début de l'émission, et que au-delà d'un état de fait qui serait qu'effectivement vous avez affaire à un individu né. Il reste toujours la grande interrogation autour de la santé. Et puis il se pose toujours, évidemment, c'est une autre question, et c'est en même temps une question centrale que vous abordiez à demi-mot, Henri Atlan, qui est que bien dans ces solutions extra-utérines, eh bien, il manque toute la corporalité, c'est-à-dire finalement tous les échanges qu'il peut y avoir entre le corps de la mère et son enfant, et on parle des échanges aussi bien physiologiques, sanguins, biologiques, que du battement du cœur, de la voix et de tout l'environnement qui, jusqu'à preuve du contraire, à moins que Freud ait eu tort sur toute la ligne, sont tout de même relativement importants. Alors, justement, ça, c'est une objection qui, à mon avis, n'est pas valable. Alors, je ne suis pas un avocat de l'utérus artificiel, mais cette objection-là qui a été faite, à mon avis, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas valable? Ben, tout simplement parce que si on réfléchit à ces échanges, en effet, entre le fœtus et la mère, eh bien, quelle est la période à laquelle ces échanges sont les plus importants? Ben précisément à la fin de la grossesse. Or, c'est précisément là où on utilise une couveuse. Les couveuses actuelles pose exactement le même problème. Et vous savez d'ailleurs comment ce problème est résolu, tout simplement en faisant en sorte que la mère et le père entourent en quelque sorte la couveuse d'un maximum de présence. Et certains font écouter de la musique, certains font écouter la voix, en effet, etc. etc. Donc les gens qui ont imaginé dans des écrits de fiction un futur utérus artificiel ont représenté D'Aldous Huxley par hasard, comme ça. Entre autres, Aldous Huxley. Aldous Huxley, lui, c'était des maisons de fécondation. Était ensemble. Oui. C'est-à-dire, c'était les modifications génétiques aussi jouaient un rôle très très important dans la fiction de Huxley, dans Le Meilleur des Mondes. Là, il s'agit absolument pas de ça. Il s'agissait de d'entourer en quelque sorte la machine de tout un tas d'un environnement qui supplée à l'environnement humain. Et encore une fois, les couveuses actuelles concernant les grands prématurés actuels qui sont maintenus en vie, et avec succès, heureusement pour la plupart, mais pas pour tous, prennent en compte cette chose-là. Donc l'objection qui consisterait à dire « Ah ben non, il n'y a plus de relation entre la mère et l'enfant », elle tombe. Oui, elle tombe puisque, existe déjà. Oui, j'aurais tendance à préciser deux choses dans le commentaire d'Henri. C'était dans un premier temps, c'est ce qui fait un individu vivant, c'est il y a quand même trois grandes étapes. Hein. Ce sont les gamètes, donc spermatozoïdes et ovocytes. Ensuite, chez les mammifères, la gestation. Mmh. Et ensuite, on oublie que le soin postnatal, ce qu'on appelle les soins maternels ou parentaux, sont aussi constitutifs du devenir d'un individu. Mmh. Et donc, effectivement, René Friedman l'avait bien dit quand l'article est sorti, il y a effectivement toute la période, je dirais, intra-utérine, pendant laquelle un certain nombre d'échanges que vous avez mentionnés au départ, battement du cœur, mais environnement, musique, n'ont pas, a priori, été remis tel qu'on pourrait l'imaginer dans un environnement normal. C'est-à-dire que dans cette expérience, elle n'existe pas. On pourrait peut-être imaginer que ça puisse se faire, mais derrière, on sait que l'individu et tout son comportement psychologique en particulier repose sur les soins parentaux. Est-ce qu'il faudrait deux questions pour conclure. Est-ce qu'il faudrait, dans un premier temps, de toute façon, en passer nécessairement par une solution avec des primates pour être capable de quantifier l'impact que ce type de biosac ou en tout cas de couveuse améliorée pourrait avoir sur le développement cognitif à long terme? Ben, je crois, oui, il me semble, c'est le minimum, je crois. Mm. Et encore, d'ailleurs, ça ne suffirait pas, parce que à tout moment, comme disait monsieur tout à l'heure, la transposition de l'animal à l'homme est toujours problématique. Mmh. Oui, c'est effectivement ça. Si on pouvait imaginer que le primate est le meilleur modèle pour l'homme, je pense qu'il y aurait des réticences qui seraient déjà levées. Et en fait, on s'aperçoit que malheureusement, chaque espèce animale a ses spécificités et que pour ce qui est du développement postnatal et du futur d'un individu, tel que la maturation du système nerveux central ou du poumon, il faudrait vraiment s'assurer que l'espèce de primate qu'on veut utiliser est bien celle qui est vraiment similaire à l'homme. Et ça, je pense qu'on n'est plus trop dans cette thématique-là maintenant. Mmh. Mmh. Oui, parce qu'on parle évidemment là, en l'occurrence des développements pulmonaires, mais on pourrait parler tout aussi bien du développement épidermique, du développement du système digestif, qui sont des enjeux au moins tout aussi importants. Absolument, c'est ce qui est constitué d'un individu, c'est-à-dire que chacun des tissus qui nous constituent, de par le matériau, on pourrait quand même imaginer que ça puisse être beaucoup plus proche pour le primate, je sais pas, sur l'aspect cognitif, mais que par contre, sur le système pulmonaire, on en soit encore très éloigné, et que effectivement, la recherche sur les primates est quand même quelque chose qui devient de plus en plus difficile et ne peut être maintenant, non, je dirais, que utiliser dans un certain nombre de cas qui sont très restreints. Oui, bien sûr. Et pour conclure, on voit bien maintenant qu'on est bien loin du meilleur des mondes, ou en tout cas peut-être du pire, je ne sais pas, en tout cas de ces formes d'ectogénèse complète, c'est-à-dire de grossesse 100% extra-utérine. Vous pensez vraiment, parce que c'est ce que vous décrivez tout de même un peu dans l'utérus artificiel, même si ça n'est pas un livre prédictif, vous pensez vraiment qu'à un moment donné, il est envisageable, dans 5 ans, dans 100 ans, que ces solutions thérapeutiques pour remédier à des malformations utérines, pour remédier à des problèmes ou à des pathologies lourdes ou graves, puissent vraiment se transformer un jour dans ce qu'on appellerait des usages de confort, entre guillemets, Henri Atlan ? Encore une fois, oui, simplement. Vous y croyez, mais je ne crois pas, si vous voulez. Je n'en sais, à vrai dire, je n'en sais rien. Et encore une fois, le but de ce petit livre était de montrer que les problèmes qui se poseraient dans cette hypothèse-là se posent déjà aujourd'hui. Mmh. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle en anglais une speculative fiction, ou bien une expérience de pensée, si vous voulez. Mmh. Voilà. Autrement dit, l'utérus artificiel n'était pas une machine, mais c'est une machine à penser. Oui, pour effectivement aller dans cette direction-là, on pourrait même imaginer qu'au-delà de l'ectogénèse, on puisse reconstituer un individu entier, vivant et en bonne santé, en démarrant des gamètes. On peut très bien faire de la reprogrammation de deux cellules somatiques, c'est-à-dire deux cellules d'un tissu, de deux individus différents, en mettre un qui serait en spermatozoïde, l'autre en ovocyte, et à la fin, vous referiez une gestation complètement ectogénétique. Et on vient de passer dans le domaine de la science-fiction. Il est déjà 16h53 et comme chaque mercredi, la parole est au futur et non pas au futur putatif mais au futur bien concret de la recherche de demain, puisque nous recevons comme chaque semaine un jeune ou une jeune doctorante qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sophie Foulon qui est en deuxième année au laboratoire de biochimie de l'ESPCI Paris-Tech, qui est une thèse financée par l'Institut Pierre-Gilles de Gênes. Bonjour Sophie Foulon, bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc moi, je vais vous présenter mon projet que j'effectue en collaboration avec l'équipe de Pierre Gressens à l'hôpital Robert-Debré. Et donc le contexte de mon projet est le suivant. On sait qu'une large proportion de nouveau-nés prématurés est sujet à des inflammations au niveau du cerveau, ce qui peut provoquer des troubles neurologiques. Mmh. On a les mêmes types de mécanismes d'inflammation dans des pathologies du type Alzheimer ou Parkinson. Et cette inflammation, elle va être due à des cellules particulières dans le cerveau qu'on appelle les cellules microgliales. Donc ce sont les cellules qui constituent le système immunitaire du cerveau. Ces cellules, elles vont avoir diverses fonctions dans le cerveau. Elles vont notamment permettre de faire la surveillance du cerveau pour maintenir une homéostasie. Elles vont aussi être responsables de l'élimination des déchets, de l'élimination des synapses en excès au cours du développement. Donc les synapses, ce sont ces connexions qui se font entre neurones ou entre une cellule neuronale et sa cible. Et bien sûr, elles vont être responsables de la réponse immunitaire face à une infection. Donc dans le but de répondre à tous les besoins qu'il y a au niveau du cerveau, ces cellules, elles vont présenter différents niveaux d'activation. Et nous, on va essayer de caractériser ces différents états d'activation. Donc à quel niveau nous on va regarder cela ? On va regarder cela à l'échelle de l'expression des gènes. Donc pour vous expliquer un peu comment ça se passe, chaque cellule possède dans son noyau la totalité du patrimoine génétique d'un organisme sous forme d'ADN. Et donc toutes les cellules vont avoir exactement le même ADN. Seulement on sait que toutes les cellules sont très différentes, aussi bien par leur forme que par leur fonction. Donc comment est-ce qu'elles vont se distinguer ? Ça va être en fonction des gènes qu'elles vont exprimer. Moi je pourrais schématiser ça en comparant l'ADN à une sorte de bibliothèque dans laquelle chacun des livres serait un gène. Et donc d'une cellule à l'autre, on ne va pas lire les mêmes gènes, donc les mêmes livres dans cette bibliothèque et on n'aura pas la même cellule ni la même fonction. Donc les méthodes conventionnelles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont analyser le profil d'expression génique de la microglie dans des cerveaux en état d'inflammation ou non, et sur des milliers de cellules. Donc on va être dans des grands tubes, et elles ont permis d'identifier pour le moment 4 principaux états d'activation. Les études sur les cerveaux en état d'inflammation nous ont permis de découvrir qu'un état d'activation pouvait être néfaste, c'est-à-dire conduire à la dégradation de l'environnement neuronal, tandis qu'un autre conduisait plutôt à sa régénération. Cependant, on est dans un système de cellules très complexes et hétérogènes, donc on imagine que la vraie situation n'est pas aussi dichotomique que ce que je viens de vous présenter. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est regarder la microglie à la loupe et vraiment comprendre comment ça se passe. Pour cela, on va utiliser des techniques d'études à l'échelle cellule unique et notamment les techniques de microfluidique en goutte. Donc comment est-ce que ça se passe ? Tout simplement, vous allez... Enfin, tout simplement... C'est pas si simple. On va encapsuler dans des gouttes de quelques picolitres. Donc un picolitre, c'est un milliard de fois plus petit qu'un millilitre. Une seule cellule. Et pour chacune de ces cellules, on va regarder quel est son profil d'expression génique. On peut faire ça à différents temps de l'inflammation, sur des cellules en état d'inflammation ou non, et dans différentes parties du cerveau. Tout ça, ça va nous permettre d'établir une carte spatio-temporelle de profil d'expression génique de la microglie et de comprendre les mécanismes de régulation de l'inflammation. Pourquoi c'est important ? C'est que ça va nous permettre derrière d'adapter les traitements thérapeutiques qui vont nous permettre de réduire l'état d'inflammation chez les nouveau-nés prématurés et donc de pouvoir éviter ces troubles neurologiques tout en laissant la microglie agir, car il faut savoir que la microglie est très importante pour le bon fonctionnement du cerveau. Et bien voilà, c'était parfait. Merci beaucoup Sophie Foulon. Une réaction, Olivier Sandra, à cette présentation ? Moi j'imagine qu'il faut quand même un cerveau très bien constitué pour arriver à analyser toutes les milliers et millions de données que vous allez pouvoir tirer de chacune de vos cellules et pouvoir les intégrer en un système cohérent. Alors moi ce que je fais, c'est que je travaille sur la souris. Et actuellement, donc, on utilise des techniques de séquençage à haut débit pour analyser donc, le profil d'expression génique de la microglie. Et on travaille sur quelques milliers de cellules à chaque fois, pour chaque partie du cerveau. Donc moi, à partir d'un cerveau, je peux déjà analyser les différentes structures et voir un peu quelles tendances se dessinent. Bien sûr, on va faire des réplicas, travailler plusieurs fois sur différentes souris. Et on a nos partenaires à Robert-Debré ont établi un modèle animal de... d'inflammation du cerveau en faisant des injections intrapéritonéales d'IL1. Et donc moi, je peux comparer l'état inflammé, non inflammé grâce à un cerveau. Eh bien voilà, merci beaucoup en tout cas Sophie Foulon pour cette excellente présentation. Merci beaucoup Olivier et Sandra aussi d'avoir accepté notre invitation. Et puis mille merci à Henri Atlan. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'utérus artificiel, cette expérience de pensée autour de l'UA. C'est publié dans la collection Essai au Point Seuil. Et puis vous pouvez retrouver évidemment toute l'émission ainsi que la recherche montre en main sur le site de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez la podcaster absolument quand ça vous chante. Où ça vous chante et autant de fois que ça vous chante. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Céline Lozen, Minagué de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Ève Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique, Elisabeth Gornescoteau au droit d'auteur. Demain, suite de notre semaine spéciale 2020 et après, nous nous replongerons dans les arcanes de l'énergie du futur. La fusion nucléaire, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.